C'était il n'y a pas si longtemps, au mois de mars exactement. La presse annonçait qu'un vaste réseau d'espionnage israélien avait été démantelé aux États-Unis en 2001. Il aurait regroupé plus d'une centaine de prétendus jeunes étudiants en beaux-arts, en réalité des agents, liés à des sociétés travaillant dans le secteur des technologies de pointe. Le FBI avait interpellé discrètement ces faux étudiants et la plupart d'entre eux avaient été expulsés. Seuls une douzaine demeurerait emprisonnés aux États-Unis. J'emploie à dessein le conditionnel, car le FBI n'a ni infirmé, ni confirmé cette information révélée par un enquêteur d'une chaîne de télévision américaine, Fox News. Et naturellement, les autorités israéliennes ont nié avec la plus grande énergie. Il faut toutefois souligner que cette chaîne de télévision est jugée généralement très proche de la droite conservatrice et donc de l'équipe Bush. Par conséquent, il se peut que Washington ait approuvé ou encouragé cette révélation embarrassante pour Israël. Mais il y a encore plus intéressant. L'interpellation de ces agents israéliens, j'emploie encore le conditionnel, aurait eu lieu au cours de l'été 2001, donc avant les événements du 11 septembre. Mais certains des agents du réseau israélien auraient fréquenté des lieux où résidaient les membres présumés d'Al-Qaïda qui allaient dérouter les avions du 11 septembre. S'agit-il seulement d'une coïncidence? Et si ça n'en est pas une, que faisaient les espions israéliens? Surveillaient-ils les futurs terroristes? Et dans ce cas, possédaient-ils des informations sur la préparation des attentats? Mais si c'est vrai, pourquoi Israël, dont on dit parfois en plaisantant qu'il est le 51e État des États-Unis, n'aurait pas averti son meilleur allié? Autant de questions troublantes qui relancent la question très épineuse et très sensible de l'espionnage israélien en Amérique. Car il y a des précédents qui ont fait grand bruit. L'affaire Pollard, par exemple, qui a été présentée en 1985 par le secrétaire d'État à la Défense américain, Caspar Weinberger, comme l'une des plus graves histoires d'espionnage que les États-Unis aient connues. C'est pourquoi, à l'occasion de la récente découverte de cet éventuel nouveau réseau, j'ai demandé à M. X de nous éclairer. Disons-le tout de suite, si d'une façon générale la question de l'espionnage israélien aux États-Unis est tellement sensible, ce n'est pas tant que les deux pays sont alliés. Ah, quand même, mais parce qu'il n'est pas interdit d'espionner un allié, non? Bien sûr, même pendant la période de la guerre froide où l'ennemi commun se trouvait à l'Est, les services de renseignement occidentaux ont été actifs à l'intérieur des pays alliés. Nous avions des agents aux États-Unis, et les Américains avaient des espions chez nous. Ouais. N'empêchez pas les contacts et les échanges d'informations. Mais Israël et les États-Unis, c'est autre chose. Bah oui, parce que leurs liens sont encore plus étroits. Et surtout à cause de l'existence en Amérique du Nord d'une communauté juive de 6 millions de personnes. 6 millions, ouais. Mais les services israéliens ont été souvent tentés de recruter dans la diaspora juive. Et cela pose la question de la double allégeance. Ouais, c'est-à-dire fidélité à son pays d'origine et désir de venir en aide à l'État hébreu. Oui, c'est très grave parce que ça a pour conséquence de nourrir des soupçons à l'égard de toute une communauté. Ouais, peut-être de propager l'antisémitisme. Naturellement. Aussi officiellement, en tout cas, les services israéliens devaient éviter de faire appel aux juifs américains à des fins d'espionnage. Mais dans la réalité, il en était tout autrement. Ouais, parce que c'était trop tentant. Bien sûr. Les juifs américains occupent des places éminentes dans les administrations, les entreprises sensibles, les médias et aussi dans les services de renseignement. Alors, oui, il était tentant de leur proposer de mettre entre parenthèses leur citoyenneté américaine et de leur rappeler qu'ils devaient d'abord en priorité assistance à l'État juif. Ouais, mais ça signifiait pour ces gens accepter de trahir leur vrai pays. Oui, mais les Israéliens avaient un argument très fort pour les convaincre. Ils leur disaient que les Américains leur faisaient les cachotteries. Les cachotteries, ça veut dire quoi, ça? Bah, les services américains étaient censés garder pour eux des informations essentielles pour la sécurité d'Israël. Donc, il était du devoir des futurs agents de recueillir ces précieux renseignements. Ainsi, ils n'avaient pas l'impression de trahir. Vous avez des exemples, là? Oh, ils sont nombreux. Dans les années 60, on a surpris le propriétaire d'une usine de traitement d'uranium en train de fournir des informations à un consulat israélien. En 1977, le directeur adjoint de l'US Air Force a été démis de ses fonctions. Il communiquait des renseignements secrets à Israël. Et attendez, ces deux hommes étaient juifs? Oui. Dans les années 80, un conseiller de la CIA a été limogé pour les mêmes raisons et un industriel qui occupait aussi un poste de conseiller à l'OTAN a été accusé d'avoir exporté illégalement vers Israël des détonateurs de bombes atomiques. Ce ne sont que des exemples. À ma connaissance, il y a eu une quarantaine de cas semblables. Oui, mais quand même, il me semble qu'on en a un peu parlé. Vous avez raison, la plupart du temps, ces dossiers ont été classés. Il n'y a pas eu de poursuite. Il fallait ménager l'allié israélien dont on avait tellement besoin au Proche-Orient. N'oubliez pas la part prise par Jérusalem dans ce qu'on a appelé l'Iran Gate. Ouais. Tout de même, ces manœuvres d'espionnage, c'est une forme de déloyauté, non ? Or, en matière de renseignement, je vous l'ai souvent dit, la morale n'existe pas. Et d'ailleurs, Israël était capable de faire de sérieuses entorses à cette alliance quand ses intérêts le commandaient. En 1967, pendant la guerre des six jours, les forces armées israéliennes n'ont pas hésité à envoyer par le fond un navire espion américain qui naviguait un peu trop près de leur côte. Ouais, en effet, oui. Et plus de 30 marins américains ont péri, mais... C'est sans doute l'affaire Pollard qui a été la plus spectaculaire, et d'abord parce qu'elle a été très vite rendue publique. Mmh. Il y avait une volonté américaine derrière, là. Certainement. Cette affaire était d'une telle dimension qu'elle ne pouvait être, comme beaucoup d'autres, étouffée ou classée sans suite. Même si, évidemment, tout n'a pas été dit. Vous allez me le dire. Enfin, je vais m'y employer. Enfin, n'allons pas trop vite. Attends, en rendant publique cette affaire d'espionnage... Les Américains ne désiraient-ils pas aussi adresser une sorte d'avertissement aux Israéliens ? C'est très probable. En outre, au sein même du gouvernement, tous les ministres n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Si le président Reagan était résolument pro-israélien, c'est sous sa présidence qu'ont été signés plusieurs accords de coopération militaire et qu'on a décidé de faire don de 3,5 milliards de dollars par an à Israël. Il n'en allait pas de même pour d'autres habitués de la Maison-Blanche. Qui Le secrétaire d'État à la Défense, Caspar Weinberger, par exemple, n'était pas très favorable à Israël. Et d'ailleurs, il va jouer un grand rôle dans cette affaire. Et on peut même penser qu'il n'est pas tout à fait étranger à ces divulgations. Oui, vous avez une explication, hein ? Jonathan Pollard, de la taupe israélienne dont nous allons parler, était un employé des services de renseignement de la marine américaine. Il est donc placé sous l'autorité de Weinberger. Voilà. Mmh. Et le secrétaire d'État n'aura de cesse d'obtenir une condamnation exemplaire de l'espion en nourrissant le dossier de l'accusation. Il sera d'ailleurs aidé par son collègue de la justice et le patron de la CIA. Ouais. Alors bon, il est peut-être temps de me parler plus précisément de ce Pollard. Qui est-il, enfin, ou qui était-il Vous pouvez parler de lui au présent. Ah bon. Il est toujours vivant, enfermé dans un pénitencier américain, et il ne doit pas avoir dépassé la cinquantaine. Ah, il était donc très jeune lorsqu'il a été démasqué. Oui, une petite trentaine. Alors, qui est-il ? Il est originaire d'une famille juive installée dans l'Indiana. Son père était biologiste, je crois. Milieu bourgeois, donc. Mais la relative aisance de sa famille lui a permis de fréquenter une très bonne université. Mais c'est un type bizarre. Quoi, bizarre ? Mentalement, vous voulez dire ? Oui. Avec ce Jonathan Pollard, il est toujours difficile de démêler le vrai du faux. Ouais. Un affabulateur. C'est ça. Il raconte sans cesse des histoires. Mais des histoires de quel genre ? Il affirme, par exemple, à ses camarades de l'université de Stanford qu'il a des liens avec le Mossad, ou alors qu'il est le fils d'un ancien responsable de la CIA. Ouais, donc déjà très obnubilé par les services secrets. Il le sera en permanence. En outre, et c'est plus inquiétant, il a un sérieux penchant pour la drogue. Ceux qui l'ont bien connu affirmeront qu'il était cocaïnomane. Un personnage pas très fiable, par conséquent. Et dont on aurait dû se méfier, c'est certain. Après l'université, Pollard essaye d'entrer à la CIA. Ouais, il fallait s'y attendre. Oui, mais sa candidature est rejetée. Ah ouais, et pourquoi alors ? Son passage au détecteur de mensonges a été désastreux. En outre, on lui reproche d'avoir sous-estimé ses problèmes de drogue. Alors, que va-t-il faire, lui, qui rêve, c'est ça, de devenir agent secret ? Pollard se tourne vers la marine, qui dispose elle aussi d'un service de renseignement. Il est accepté ? Oui. L'enquête qu'on a faite sur lui a dû être brève, sinon bâclée. Après tout, pour les officiers qui ont accepté de sa candidature, il ne s'agissait que de l'employer dans un poste subalterne d'analyste. Ouais, là où il n'aurait accès à aucune donnée secrète, c'est ça ? C'est cela, oui. Ouais. Et il n'empêche qu'il était dans la place. Et qu'il allait y faire son trou, parce que Pollard s'est révélé être un très bon analyste. Quand même. On va donc lui proposer une promotion ? Il est muté dans un nouvel organisme créé après le terrible attentat contre l'immeuble des Marines américains à Beyrouth. Mmh. Un centre d'alerte antiterroriste situé près de Washington. Et dépendant toujours de la marine ? Oui. En 1984, nouvelle promotion. Il est nommé officier de garde de la division analyse des menaces. Il a désormais accès à des informations classées confidentielles ou top secret, et concernant le terrorisme, et émanant de tous les services de renseignement américains. Un accès qui lui permet aussi de consulter les banques de données les plus secrètes de ces organismes. Des données qui dépassaient le strict cadre du terrorisme. C'est exact, oui. Le ver était donc dans le fruit. Et peu après sa nomination à ce poste de confiance, Pollard va franchir la ligne blanche. Mythomane, consommateur de drogue, Pollard a quand même été engagé dans un service de renseignement. Pourtant, son dossier était accablant. Dans leur ouvrage « Tous les espions sont des princes », les deux journalistes israéliens Dan Raviv et Yossi Melman soulignent les négligences des services américains. Comment les employeurs américains de Pollard ont-ils pu ignorer son comportement bizarre, ses vantardises et ses mensonges alors qu'il était étudiant. Voilà qui demeure un mystère. Pollard avait demandé à être engagé par la CIA en 1977, 2 ans avant d'entrer dans la marine, mais sans succès. Le DIS, le service d'investigation du ministère de la Défense, fit son enquête de routine avant de l'engager dans les renseignements de la marine. Le DIS interrogea son père et quelques anciens condisciples de l'école Fletcher. Mais la CIA ne fournit pas au DIS le dossier qu'elle possédait sur Pollard, qui concluait en disant qu'il s'agissait d'un menteur invétéré, un espion de pacotille, un sioniste zélé et un drogué. En 1980, la marine lui supprima un temps son droit d'accès aux documents secrets pour cause de troubles psychiques, qualifiés simplement de comportements bizarres. Pollard affirmait même avoir pour ami un haut responsable des renseignements d'Afrique du Sud, mais ses patrons découvrirent le mensonge lorsque l'homme en question vint en visite officielle aux États-Unis. Ils invitèrent Pollard à consulter un psychiatre, mais celui-ci batailla pendant 6 mois contre l'administration et obtint finalement l'annulation de la décision parce qu'il n'avait rien de concret à lui reprocher. Le livre de Ravi Vemelman a été publié chez Stock en 1991. Pensez-vous qu'en vue de son futur recrutement, quelqu'un, proche des Israéliens, disons, ait pu accélérer sa promotion? Et passer sous silence ses défauts et ses mensonges? Bah oui. Franchement, je n'en sais rien. Mais c'est vrai, il est incroyable qu'on ait pu accorder à un type comme Pollard une telle accréditation en matière de sécurité. Alors, restons-en là et voyons comment il va devenir une taupe israélienne. Sans quelle année, ça? 1984. Au cours d'une soirée chez un homme d'affaires juif de New York, il fait la connaissance d'un colonel de l'aviation israélienne, Avi Amsella. Une rencontre fortuite? Ça m'étonnerait. Ah, pourquoi? Parce que celle-là est un agent? Non, c'est un brillant pilote qui est venu aux États-Unis pour suivre des cours d'informatique. Il n'aurait pas été plus simple d'utiliser pour ce premier contact un professionnel de l'espionnage? Je ne crois pas, car Pollard est très impressionné par celle-là, dont on ne compte plus les exploits en Israël. Il a un héros en face de lui, vous comprenez? Ouais, un héros qui va faire de lui un espion. Ah, que voulez-vous, celle-là est un officier israélien. Et il obéit à qui est en droit de lui donner des ordres. Enfin, peu importe. Pollard est déjà mûr. Et les Israéliens qui l'ont repéré depuis longtemps le savent parfaitement. Donc, le Mossad? Bien non. Le service qui se trouve derrière ce recrutement de Pollard est alors pratiquement inconnu. Il s'agit du LACAM, un organisme excessivement discret qui s'occupe surtout de renseignements scientifiques. Le LACAM a été créé à l'initiative de Shimon Peres lorsqu'il était ministre de la Défense. Et il a joué un rôle primordial dans l'élaboration du programme nucléaire israélien. La bombe. La bombe, oui. Cette bombe, je vous l'ai déjà raconté, qui doit beaucoup à la France. Le LACAM est alors dirigé par le légendaire Rafi Etan, Rafi le Sale, comme on l'appelle familièrement. Pourquoi le Sale? Au cours de la guerre d'indépendance, après un attentat contre les forces britanniques, il se serait enfui par les égouts. Mais Etan, qui est par ailleurs un protégé d'Ariel Sharon, est surtout connu pour avoir dirigé le commando qui a enlevé Eichmann. D'accord, mais moi je comprends toujours pas pourquoi c'est ce LACAM, c'est ça, qui va recruter Pollard, puisque vous m'avez dit, cet organisme secret s'occupe essentiellement de renseignements scientifiques. D'abord, Etan ne refuse jamais la possibilité de faire un croche-pied aux autres services de renseignement israéliens. Ensuite, Pollard l'intéresse beaucoup parce que les services de renseignement de la marine américaine sont en possession d'innombrables informations technologique, des codes, des procédures, des secrets industriels, autant d'informations très précieuses. Ouais. Avant de faire de Pollard son agent, est-ce que le patron du LACAM n'hésite pas? À cause des rapports privilégiés qu'entretiennent Israël et les États-Unis, vous voulez dire? Ah oui. Eh bien non. Non, parce que Rafi le Sale n'a pas ce genre d'état d'âme. Pour lui, seule l'efficacité compte. Et comme il est persuadé que malgré les accords conclus entre les services israéliens et américains, ces derniers continuent à faire de la rétention d'informations, ils foncent. Avec tous les risques que ça représente en cas de coup dur. Oui, mais le LACAM est un service qui n'a aucune existence officielle. Seules les plus hautes autorités israéliennes connaissent ses activités. Elle est politique, justement. Est-ce que Rafi Etan leur demande un feu vert avant de se lancer dans cette opération? À l'époque, c'est un gouvernement d'union nationale qui est aux commandes. Shamir est aux affaires étrangères, Rabin à la défense, et c'est Shimon Peres qui est premier ministre. Ouais, Peres, vous l'avez dit, qui est à l'origine de la création du LACAM. Oui, oui. Alors, je suis à peu près sûr que Peres a couvert l'opération et qu'il en a informé les deux autres. Même si, bien sûr, le gouvernement israélien niera toujours avoir été au courant. Ah oui, c'est la règle. Quand il y a une tuile, on se décharge sur les échelons inférieurs. Ouais, les boucs émissaires. Bien sûr. Mais je vous donne une nouvelle preuve de la duplicité du gouvernement israélien dans cette affaire. La nature des renseignements qui vont être fournis par Pollard ne pouvait laisser aucun doute sur leur origine. Une origine américaine, vous oui. voulez dire. Oui, or ces précieux renseignements étaient naturellement communiqués aux autorités, à charge pour elles de les exploiter. Donc, enfin, d'après vous, Pérez et les autres ne pouvaient pas ignorer que Ethan disposait d'une source aux États-Unis. Mais c'est ce que je voulais dire. Toutefois, encore une fois, n'allons pas trop vite et voyons la suite. Après ce premier contact avec le colonel Sella, Pollard devait être mis à l'épreuve. Ce qui signifie on lui demande de faire une démonstration de son efficacité. C'était une première livraison de renseignements. Oui, c'est absolument fabuleux. Pollard a rassemblé des informations essentielles sur les programmes militaires des pays arabes voisins d'Israël. Des informations que les Israéliens ne connaissaient pas? C'est ça. Et à cette occasion, ils ont découvert ce qu'ils soupçonnaient. Les Américains se gardaient bien de leur révéler tout ce qu'ils savaient. Mmh. Mais pourquoi? Enfin, puisque de nombreux accords existaient entre les deux pays. Sans doute. Mais les États-Unis avaient aussi des relations privilégiées avec un certain nombre de pays arabes dits modérés. L'Arabie Saoudite. Mais aussi l'Égypte et la Jordanie, des pays auxquels ils vendaient des armes. Ils n'avaient donc nullement l'intention d'en informer précisément leur allié israélien. Mmh. Et d'une certaine façon, cette dissimulation justifiait l'espionnage israélien. Non, c'est sûr. Et informé de la richesse de cette première moisson, les autorités de Jérusalem ont autorisé le LACAM à poursuivre le traitement de la taupe Pollard, en dépit du risque politique que cela représentait en cas de pépin. Est-ce que c'est le colonel Sella là, qui continue à être l'officier traitant de Pollard? Dans un premier temps, oui. Les deux hommes sont d'ailleurs devenus des amis. Mais évidemment, ça ne peut pas durer. Et c'est un véritable agent de renseignement qui va prendre la suite, un certain Yagour, qui est attaché scientifique au consulat d'Israël. Ah oui, donc un homme qui bénéficie, lui, de l'immunité diplomatique. Et ce n'était pas le cas de celle-là. À partir de ce moment, les contacts avec Pollard vont être plus sérieux. Plus professionnels. Oui. Une question, là, avant d'aller plus loin. Vous avez dit que le profil psychologique de Pollard était plutôt inquiétant. Hein. Et les Israéliens étaient-ils au courant, hein? Évidemment. Je vous ai dit qu'ils ne l'avaient pas recruté par hasard. Et comme ils le connaissaient bien, ils ont fait en sorte de le caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire? Au fond, de quoi avait besoin ce mythomane de Pollard? De reconnaissance, avant tout. Mmh. Par conséquent, ils n'ont jamais manqué de lui faire savoir qu'il rendait des services inestimables à Israël. Bref, ils l'ont flatté. Quoi. Ils n'ont pas eu besoin de se forcer, car les documents que Pollard leur présentait étaient effectivement de toute première importance. Enfin, avant de voir plus précisément quelle était la nature de ces renseignements, comment Pollard procédait-il pour transmettre ces informations? Oh, très simplement. L'espion collectait des renseignements dans les banques de données des services américains auxquels il avait accès, ou dans les archives secrètes où il était autorisé à pénétrer. Il les imprimait. Ou alors, quand il s'agissait de documents originaux, des photos prises par satellite, par exemple, il les empruntait quelque temps, le temps de les communiquer à son officier traitant. Et ça veut dire qu'il quittait son bureau avec des documents? Effectivement. Ouais, c'était très risqué, ça. Vous avez raison. Pollard était à la merci d'une fouille inopinée. C'est d'ailleurs ce qui finira par le perdre. Comment s'est opéré exactement le recrutement de la taupe Pollard? Jacques de Rogy et Ezi Carmel, qui ont publié un ouvrage intitulé « Israël ultra secret », confirment la rencontre entre Pollard et le colonel Sella chez un riche juif de New York, Steven Stern. Le futur espion, qui cherchait depuis longtemps a contacté un représentant israélien, fait aussitôt des offres de service. La suite aurait été celle-ci. Sella sollicite l'accord de son chef, le général Amos Lapidot, qui l'encourage à adresser un rapport à Rafi Ethan, le patron du LACAM, l'obscur office de liaison scientifique du ministère de la Défense, qui ne figure même pas dans l'organigramme des services secrets israéliens détenus par la CIA. Ethan fait transmettre son feu vert à Sella pour le nouveau rendez-vous. Pollard apporte un dossier bourré d'informations de première qualité. Surexcité, Ethan croit tenir la chance de sa vie de surpasser son rival du Mossad. Mais au LACAM, ses subordonnés regimbent. D'une part, le service n'a pas pour mission d'espionner les Américains chez eux. D'autre part, l'expertise graphologique de l'écriture de Pollard laisse à désirer. En conséquence, ils exigent de leur chef une attestation reconnaissant avoir été averti par eux de la dangerosité du personnage et lui demande de ne pas faire du colonel Sella son agent traitant. Décidé à n'en faire qu'à sa tête, Ethan s'envole pour les États-Unis, convaincre Sella de continuer la manipulation de sa recrue en lui assurant qu'il y est autorisé par des décideurs politiques. Ethan bluffait-il ou, comme l'a dit M. X, ses décideurs politiques avaient-ils bel et bien donné leur feu vert? Après avoir recueilli ces documents, comment Jonathan Pollard les remet-il à son officier traitant? La procédure utilisée est la suivante. Les Israéliens ont acheté une villa dans les environs de Washington. Il est prévu que Pollard s'y rende tous les 15 jours. Une photocopieuse ultramoderne est à sa disposition. Quand les documents ont été dupliqués, il peut repartir, regagner son bureau et replacer les papiers là où il les a pris. Oui. En fait, on n'a pas parlé d'argent. C'est vrai. C'est un point important quand même. Car Pollard est aussi un panier percé, criblé de dettes. Il a donc toujours besoin d'argent. Et le Lacam va le rétribuer assez largement. Une solde mensuelle, une bague offerte à sa fiancée, un voyage de noces en Europe dans les meilleurs hôtels et l'ouverture d'un compte en Suisse. Au total, plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est pas rien, en tout cas, ça veut dire que Pollard n'agit pas seulement par sympathie pour Israël. Certes, mais le Lacam préfère ça, je vous explique. D'abord, à partir du moment où une taupe est payée, on la tient. Ouais. Ensuite, plus Pollard reçoit d'argent et plus il est conforté dans l'idée qu'il rend des services considérables à Israël. Psychologiquement, c'est très important. Parce que ça l'encourage à en faire encore plus. Bien entendu, parce que désormais, Pollard va travailler à la demande. À la demande, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, au début de sa collaboration avec le Lacam, c'est lui qui prenait l'initiative de dénicher des documents qui pouvaient intéresser Israël. Maintenant, on va lui désigner des secteurs de recherche. Et pour le tranquilliser, car il va être obligé de prendre de plus en plus de risques, on lui donne un passeport israélien, sous un autre nom, naturellement. Ouais. Donc il a l'assurance de pouvoir venir s'installer en Israël si les choses tournent mal, c'est ça? C'est ce qu'on lui laisse clairement entendre. Ouais. Parfait. Alors, voyons maintenant vraiment ce que Pollard a livré aux Israéliens. Des milliers et des milliers de pages. Des renseignements sur les systèmes de communication de la marine américaine, les dispositifs militaires soviétiques au Proche-Orient, les ventes d'armes aux pays arabes et nombre de photos satellites. C'est d'ailleurs grâce à certaines de ces photos que l'aviation israélienne pourra bombarder le QG de Yasser Arafat à Tunis en octobre 1985. Et à Washington, ça donnera la puce à l'oreille à quelques spécialistes du renseignement. Parce que ce bombardement les a étonnés? Et parce qu'ils savaient très bien que les Israéliens ne pouvaient pas disposer des photos aériennes nécessaires à la préparation d'une telle opération. Et seuls les services américains les possédaient, c'est ça? Par conséquent, il était probable qu'une taupe leur avait communiqué ces photos. Et c'est ce qui va déclencher la chute de Pollard? En tout cas, ça n'a fait qu'accélérer les choses, car Jonathan Pollard intriguait de plus en plus ses supérieurs. Il y avait d'abord son train de vie. Le couple Pollard semblait rouler sur l'or. Ouais, pas très prudent, ça. Non. Et il est certain que les gens du Lacam ont commis des imprudences. Leurs rivaux du Mossad n'auraient certainement pas autorisé Pollard à fréquenter les meilleurs tailleurs ou dîner dans les restaurants les plus chers. Et ils vont faire preuve du même amateurisme lorsque leur taupe va être démasquée. Oui, mais à part son train de vie, qu'est-ce qui nourrit les soupçons de ses supérieurs? À plusieurs reprises, Pollard est pris en flagrant délit de mensonge. Oh, pas du gros mensonge, mais quand même. Mais quoi, par exemple? Eh bien, il invente de faux prétextes pour consulter des archives hautement confidentielles, où il ment sur son emploi du temps. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'un de ses collègues l'a vu quitter son travail avec une grosse quantité de documents. Des documents secrets qui, après vérification, n'auraient jamais dû sortir du bâtiment où Pollard travaillait. Ouais, il est donc pris la main dans le sac. Presque, oui. Mais c'est l'installation clandestine d'une caméra dans son bureau qui va révéler le poteau rose. Le compte espionnage de la marine découvre alors que Pollard consulte des documents qui n'ont rien à voir avec son travail sur le terrorisme. Il est alors arrêté? Interrogé d'abord, et de façon très courtoise. Mais Pollard a réponse à tout. S'il consulte tant de documents étrangers à son travail, c'est qu'il a découvert une importante affaire d'espionnage. Est-ce crédible? En tout cas, ce n'est pas malhabile. Mais il va commettre une erreur fatale. Autorisé à téléphoner à sa femme, il lui indique, grâce à un message codé, qu'il lui faut au plus vite se débarrasser de quelques documents qu'il a rangés à son domicile. Des documents soustraits aux archives secrètes? Oui. Son épouse, paniquée, ne trouve rien de mieux que d'entasser ses papiers dans une valise et de confier celle-ci à ses voisins. Des voisins très intrigués qui trouvent l'affaire suspecte et alertent les autorités. Ouais. Très intrigués. Alors c'est la fin? Pas tout à fait. Pollard n'a pas encore été arrêté. Et le soir, il peut rejoindre son domicile. Mais il sent bien que les carottes sont cuites. Alors il téléphone à Yagour, son officier traitant. Il demande à être exfiltré au plus vite. Mais, et c'est là qu'il faut parler d'amateurisme, rien n'a été prévu. Aucune procédure, aucune filière d'évasion. C'est quand même très étonnant pour une taupe qui rendait de tels services. Je suis d'accord avec vous. Alors Pollard, se sentant lâché, tente une ultime manœuvre avec son épouse. Il monte en voiture et entre en force dans l'ambassade israélienne à Washington. En force? Oui. Il profite de l'ouverture de la grille au passage d'une autre automobile. Mais il a été filé par le FBI. Et plusieurs voitures de la police fédérale font déjà le siège de l'ambassade. À l'intérieur, les services de sécurité ont compris. Et pour éviter un incident avec le FBI, ils refoulent Pollard. Pourtant, il avait un passeport israélien. Oui. On l'abandonne, donc. Exact. Et aussitôt, tous les agents du Lacam qui se sont occupés de lui quittent précipitamment les États-Unis. Cette fois, Pollard est vraiment arrêté. Et puisqu'il a été abandonné, il passe immédiatement aux aveux. La suite est prévisible. Aux États-Unis, on pousse un grand coup de colère. À Jérusalem, après avoir nié, on présente des excuses et on rejette la fosse sur Ethan et quelques subalternes. Et enfin, de part et d'autre, on essaie d'atténuer la portée de l'affaire. Mais fondamentalement, la trahison de Pollard a-t-elle brouillé les relations entre les deux pays? Non. Non, parce que les États-Unis et Israël étaient liés par des intérêts autrement importants. Mais ça a acheté un froid temporaire, c'est certain. Et il faut souligner que, malgré les demandes pressantes des autorités israéliennes, Washington n'a jamais accepté de gracier Pollard, condamné à la prison à perpétuité. Songez que lors des négociations de Y Plantation entre Israéliens et Palestiniens, le premier ministre Netanyahou a menacé de ne pas signer si Pollard n'était pas libéré. Forme de chantage. Oui, mais Clinton n'a pas cédé. Alors pourquoi cette obstination des Américains? Après tout, Pollard a déjà passé quoi, presque 17 ans en prison. Et c'est un citoyen d'un pays qui est le meilleur allié des États-Unis au Proche-Orient. Et il est devenu en Israël une sorte de héros national, à l'instar d'Eli Cohen dont nous avons parlé récemment. Alors oui, on peut se demander pourquoi les Américains s'obstinent à le garder en prison. Et je crois savoir. Je vous écoute alors. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était la violence avec laquelle Caspar Weinberger s'était exprimé. Il était même allé jusqu'à dire que Pollard méritait d'être fusillé. Ah ben ouais, c'est, oui. Et j'ai compris. L'activité de Pollard n'avait pas été seulement de l'espionnage entre deux pays alliés, comme il s'en était déjà produit entre Israël et les États-Unis. Ça allait bien au-delà. Et il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans les années 80, les Israéliens font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir que les Juifs soviétiques soient autorisés à immigrer en Israël. Oui, en fonction de la loi du retour. Pas seulement. Parmi ces Juifs, il y a aussi des gens très qualifiés, des scientifiques de haut niveau, par exemple. Ah, dire des personnages qui intéressent beaucoup les Israéliens. Bien sûr. Mais Moscou fait la sourde oreille. Alors, naît l'idée d'un marché dans les précieux documents fournis par Pollard. Il y a beaucoup d'informations militaires qui pourraient intéresser les soviétiques. Par exemple? Bon, je ne vous en donnerai qu'un. La panoplie des méthodes utilisées par la marine américaine pour repérer et traquer les sous-marins nucléaires soviétiques. Une information capitale en cas de conflit. Ouais. Et les Israéliens ont vraiment communiqué ces secrets militaires à Moscou? J'en suis persuadé. Et en retour, vous pourrez vérifier de nombreux juifs soviétiques ont soudain obtenu la permission de venir en Israël. Ça, il s'agissait d'une sorte de troc. C'est ça. Mais par un moyen ou un autre, les services de renseignement américains ont appris le fin mot de l'affaire. Et c'est Pollard qui a payé le prix fort. J'ai longtemps cherché dans les journaux et les livres publiés sur cette affaire une confirmation de la thèse de M. X. Et j'ai trouvé, dans un article du journaliste Seymour Hersh, paru en 1999 dans le New Yorker. Il affirme avoir reçu des confidences de responsables de la CIA, furieux, à l'idée que la Maison-Blanche, cédant à la pression israélienne, pourrait un jour gracier Pollard. Et pour bloquer cette possibilité, ils ont révélé que l'espion avait causé des dégâts considérables, encore plus considérables que ce qu'on imaginait, puisque certaines de ces informations avaient abouti en URSS.